que ça qui m'amuse dans le secteur, moi je me prépare. On est lundi à Tourneville, il faut que j'opère. PT hebdomadaire et au micro, toujours autant de demandeurs, je vais pas te mentir. Tu peux venir voir, tu connaîtras la salle rien qu'à l'odeur. Tellement de spliff allumé pour éteindre tout ça, faudrait un canadien, je me tue à dire. Faudrait entendre Ziclair, mais tout ça paraît la vie c'est le paradise, alors je te réfute par un coup. J'écoute pas ce que les parents disent, je les mets trop souvent entre parenthèses. J'ai pas le talent, juste l'intellect et les fat pantalons. Mentalement dans la norme, avec le style de l'étalon. Ici c'est Tourneville, le lundi tous réunis. Tu sais qu'on fuck l'état, et qu'en fin de compte on te réunit. La cataclysme, c'est R.S. s'extinct, lasse toutes ces éclairs. T'es Eric, des mecs simples, dans mes associés c'est clair. Levez les bras en l'air, si vous êtes tous des branleurs. Levez les bras en l'air, levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air, levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. Au micro c'est gros, la rage au ventre qui fait que j'en ai les crocs. Je veux grimper haut, même si dans le rap on est beaucoup trop à sortir des sons qui résonnent au fond de nos cités. Au fond du trou je suis là avec mon frangin simplicité. Et oh mec, c'est là que je suis né, dans mon secteur y'a des mecs au front dur. Génération type un peu fondue, on peut trop froidir ou même sortir une œuvre d'art. À vrai dire, à Tourneville un son que l'on t'offre tard. J'arrive au fort comme un cargo qui arrive au port. Donc faut attendre pire, simplicité veut être détendeur du titre. À Tourneville je cite, y'a tous mes sons, c'est leur boulette de chiffre. Ils sont même pas, crois pas qu'on fait du chiffre. Au micro comme je suis, tous mes associés me suivent. 2-3 heures de son, ça fait du bien et ça empêche mes gens de faire les comptes. Péter le compteur et pourquoi pas les plombs. T'as 8 mesures pour montrer que t'as les crocs. Levez les bras en l'air, si vous êtes tous des branleurs. Levez les bras en l'air, levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air, levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. C'est le bordel à Tourneville, tout le monde tourne au vol. Ici chacun possède son tournevis. Et si on se tourne vers ça, c'est que ce système nous dirige vers un jeu dangereux, mec. Si nos versets sont sidérants, tu veux que je te dise ce qui dérange? C'est qu'ils nous considèrent comme des concédards. Tu vois pourquoi c'est dur d'acquérir à la gloire. D'acquérir à la gloire. D'acquérir à la gloire. C'est Tourneville où mes gars se rassemblent. Voilà ce que ça donne quand Pierre et Marie-Jeanne s'assemblent. Avec quelques grammes sur le grade, le bidon crame gars. Gare à la tente à SCBK. On répète comme au concert, on se concerte. Va faire les concerts, t'as quelque chose qu'on concert. En agissant en silence comme le cancer. Encore un bon son qu'on sort pour humilier son compteur. Et ouais gros, cataclysme jusqu'à la mort. Levez le bras en l'air, si vous êtes tous des branleurs. Levez le bras en l'air, levez le bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez le bras en l'air. Levez le bras en l'air, levez le bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez le bras en l'air. Levez le bras en l'air. Si vous êtes tous des branleurs, levez le bras en l'air. Levez le bras en l'air. Un art trop gore, mensuration lyricale. Dans 8 mesures, c'est de leur alliance débile. Un effort d'enfer, l'ambiance défile. Les MC franchissent le palier du fort Tourneville. C'est fur, couplet de fêlé, rap de félin. Tout comme le lion, impatient d'attendre son festin. Salaire restreint, distant vers ton destin. Au placé, nous on étale tes intestins. J'ai craché ma haine pour tout niquer au château fort. Quand tu prends le mic, frère, je te conseille de chanter le fur. Moi c'est CRS, mais ça me zarave, c'est cœur qui tourne en ville. Contre ces gens, je crache mon paragraphe pour les gens de Tourneville. Éternisé avec le fils, c'est pas enrichissant, c'est terminé. Je te conseille pas, les mecs réfléchissez. Il faut aussi chasser, on peut finir au rez-de-chaussée. Y'a les poissards et les chanceux, mais pas de clochard dans cette chanson. Levez les bras en l'air, si vous êtes tous des bras en l'air. Levez les bras en l'air, levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des bras en l'air, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air, levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des bras en l'air, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. Si vous êtes tous des bras en l'air, levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. Un son pour tous les fêtards, et pour les gars, ne foutent le foutoir. On veut marquer le futur, même s'il se fait tard, nous on fait taire. 67 balles dans mon chargeur, et pas acteur comme Richard Gere. Rapport à ton passé, mais dans mes textes, j'évite les injures. Qui sait peut-être qu'un jour, nos places arriveront à rayonner. Des dégâts franchis, bonjour, finis ces gens qui te rionnaient. Tous réunis à Tourneville dans un état serein. Vendredi en soirée, je vais te rassurer, le succès est assuré. De Tourneville, quelques MC montés sur un sort. Une fois le cataclysme est lancé, c'est là que l'ambiance te rassure. Sur un son de Willow, prendre le micro, tu pètes parce que c'est.